Un chemin dans le désert, entre Las Vegas et nulle part. Il paraît qu'on est beaucoup mieux ici qu'à l'endroit d'où on vient. Il paraît qu'entre les étoiles, il y a rien. Le vide. Certains pensent que cet espace est composé d'un gaz. L'éther. D'autres, plus savants, ont même imaginé que dans ces vastes régions interstellaires, on puisse entendre la musique des sphères. Moi j'appelle sans savoir qui. J'appelle dans le vide. Hello. À qui voulez-vous parler ? Allô? Allô? Oui, bonjour. À qui voulez-vous parler, mademoiselle? Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Crying and I can't.